Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Je vais dire à quelqu'un, sois reconnaissant à Dieu. C'est Dieu qui t'a gardé tout au long de l'année. C'est Dieu qui t'a fait du bien. C'est Dieu qui t'a fortifié. C'est Dieu qui t'a guéri. C'est Dieu qui t'a relevé. Sois reconnaissant envers lui. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Jérémie 50, 1 à 10. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire le passage du jour, Jérémie 50, 1 à 10. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Merodac est brisée, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées, car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont en ce jour, en ce temps-là, dit l'Éternel. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront. Ensemble, ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient et leurs ennemis disaient « Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays des Septentrions. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Amen. Je voudrais partager trois vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Dieu jugera les ennemis de son peuple. Je veux parler à quelqu'un. Tu as été tyrannisé. Tu as été maltraité. Tu as été opprimés. Les temps viennent ou l'année qui arrive, le Seigneur dit qu'il va juger tes ennemis, il va juger ton Babylone pour te restaurer, pour te rétablir. Vous voyez, dans l'histoire d'Israël, à un moment donné, Babylone est cette nation-là que Dieu a utilisée pour venir corriger Israël. Donc les enfants d'Israël ont été déportés en captivité à Babylone. Mais après 70 ans, Dieu maintenant a décidé de juger Babylone. Je vais dire à quelqu'un, quand tu t'es égaré, même si tu as péché, tu as rétrogradé, les temps viennent maintenant où le Seigneur veut te réhabiliter, où le Seigneur veut juger ton Babylone. Ton Babylone va chuter. Vous voyez ici, c'est pourquoi le verset 1 dit, « La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens par Jérémie le prophète, annoncez-les parmi les nations, publiez-les, élevez une bannière, publiez-les, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Merodac est brisé, ses idoles sont confondues. » Vous voyez, la chute de ton Babylone commence d'abord sur le plan spirituel. C'est-à-dire, ça commence d'abord par la chute de ses idoles, par la chute de ses pouvoirs d'envoûtement, par la chute des canaries. Oui, je vais dire à quelqu'un, il y a un Babylone qui bloquait ta promotion, qui bloquait l'achèvement de ta maison. Le Seigneur va juger sur le plan spirituel tous ceux qui font des incantations, tous ceux qui font des divinations. Le Seigneur va proclamer un jugement. Leurs dieux vont chuter. Leurs idoles vont chuter. Ce sur quoi ils comptent va chuter au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Il dit, les idoles sont confondues. Les idoles sont brisées. C'est pourquoi, lorsque nous allons célébrer les traversées, le 31 décembre, il faut que dans nos églises, nous puissions prier pour déclarer la chute des idoles. Des idoles qui cherchent à contrôler l'église, qui cherchent à contrôler nos familles, qui cherchent à contrôler nos nations. Nous devons déclarer la chute de toutes ces puissances sataniques et démoniaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la méthode que Dieu a utilisée pour faire chuter Babylone, c'est qu'il a suscité d'autres nations. Vous voyez, il est un Dieu souverain. Dieu peut utiliser donc un peuple extérieur pour exécuter son plan. Ça fait partie de sa souveraineté. De la même manière que Dieu a suscité Babylone pour corriger son peuple, maintenant quand le temps de la restauration d'Israël est arrivé, il a suscité d'autres peuples. Il a suscité les Médès et les Perses pour venir combattre Babylone. Vous voyez comment Dieu est un Dieu merveilleux. Il est tout puissant. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Il est capable d'utiliser les autorités. Il est capable d'utiliser des nations dans le monde pour accomplir son plan. Il est dit au verset 3, « Car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. » Donc, cette prophétie est en train de montrer comment Dieu a suscité des nations pour venir combattre Babylone dans le but de libérer son peuple. Et il dit au verset 9, « Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays des Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. » Deuxième vérité. La chute de notre Babylone a pour résultat l'unité du peuple de Dieu et la repentance. Vous voyez, lorsque le Seigneur combat contre nos ennemis, lorsque le Seigneur neutralise les puissances spirituelles qui dominaient sur nos vies, qui dominaient sur notre nation, qui dominaient sur notre famille, le résultat attendu, c'est l'unité, la réconciliation, la restauration. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Avant la déportation en captivité, Israël était divisé. Il y avait le royaume du nord et il y avait le royaume du sud qui portait le nom de Juda. Le royaume du nord portait le nom d'Israël. Mais lorsqu'ils ont été délivrés, lorsqu'ils sont retournés dans leur nation, ils sont revenus ensemble, vous voyez, l'unité. C'est pourquoi il est dit au verset 4, « En ces jours, en ces temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. » Vous voyez, c'est-à-dire les deux royaumes ne seront plus divisés. Le royaume du nord qui porte le nom d'Israël et le royaume du sud qui porte le nom de Juda. Après la déportation en captivité, Dieu va restaurer, Dieu va réconcilier les deux royaumes. Il n'y aura plus deux peuples, il y aura un seul peuple. On dit, ils reviendront ensemble et on montre qu'ils vont revenir en se repentant. Il dit, ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Verset 5, ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Oui, c'est pourquoi nous devons comprendre que lorsque Dieu nous délivre d'une situation difficile, si par exemple vous étiez un couple ou monsieur et madame vous étiez divisés, je vais parler à un couple, ça fait plus de 3 ans, vous étiez séparés et vous avez vu les dégâts qui se sont produits dans votre famille, dans la vie de vos enfants. Maintenant, à 2020, vous devez vous réconcilier. Il faut que votre foyer, votre famille soit restaurée et vous allez voir, Dieu va accomplir de grandes choses. Mais il faut passer par la repentance. Il faut enlever l'égoïsme. Il faut enlever la dureté du cœur. Si, monsieur, tu as été infidèle, il faut te repentir. Comme les enfants d'Israël se sont repentis. Troisième vérité. Les mauvais bergers égarent le peuple et peuvent le conduire à la dérive. Vous voyez, c'est ce que nous montre ce texte ici. Le verset 6 dit, « Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tout ce qui les trouvait les dévorait. Et leurs ennemis disaient, « Nous ne sommes point coupables. » puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Quand on parle de mauvais bergers, il s'agit de tous ceux qui occupent des positions élevées dans la société. Ça commence d'abord par l'Église. Les mauvais bergers, ce sont les pasteurs qui sont avides de gains, les pasteurs qui vivent dans l'adultère, dans le mensonge, les gens qui ne prêchent pas la parole. Non, nous ne devons pas être de cela. Nous devons nous repentir. Si pendant l'année 2019, nous étions des mauvais bergers qui égaraient les peuples, il faut que nous puissions nous repentir. Il faut que vraiment, si nous voulons voir la restauration au niveau de la nation, il faut que la repentance commence au niveau de l'Église, que nous puissions prier pour que Dieu nous donne des bons bergers, parce que les mauvais bergers égarent. Mais les mauvais bergers, on les trouve aussi dans toutes les couches sociales, au niveau de la classe politique, au niveau de nos autorités politiques, administratives. Nous avons besoin de bons bergers, vous voyez. On dit, les mauvais bergers les égaraient. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, au temps du prophète Jérémie, il y avait les rois, les sacrificateurs, qui s'adonnaient à l'idolâtrie. Il convient de rappeler que le péché d'idolâtrie attire la colère de Dieu. Il punit ce péché jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Je voudrais, à la fin de cette année, que chacun, que toute personne qui est élevée en dignité, que tu sois instituteur, que tu sois directeur d'école, que tu sois commandant dans l'armée, que tu sois maire, que tu sois préfet, que tu sois ministre, que tu sois DG, PCA, à quelque niveau que ce soit, es-tu un bon berger ou bien tu es un mauvais berger qui égare? Ma prière est que réellement chacun de nous se repente pour que nous ne puissions pas égarer le peuple, pour qu'au sein de l'Église, nous n'ayons pas de pasteurs, de présidents d'Église qui égarent le peuple, que nous soyons des bons bergers. Oh, que le Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Je lève les mains, je lève. celui de mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Célébrons donc. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Quelle que soit la situation, je célébrerai. Quelle que soit l'adversité, je célébrerai. Quels que soient les combats, je célébrerai. À Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Le passage du jour, c'est Jérémie 50, 1 à 10. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngoumbi. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu exécute son jugement contre nos Babylones. Et ça commence d'abord sur le plan spirituel. Que le Seigneur juge toutes les puissances sataniques, les esprits des morts, les esprits des eaux, les esprits de sorcellerie, les esprits de mysticisme, les esprits qui bloquent les gens, les esprits qui détruisent la nation, les esprits qui envoûtent le peuple. Nous allons déclarer leur chute maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te magnifions. David déclare, Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent la fuite au devant de lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la scie fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Ce matin, nous prions au Père éternel pour la manifestation de la gloire dans nos vies. Nous demandons que tu exerces le jugement sur notre Babylone, le jugement sur les esprits méchants, les esprits de sabotage. Nous déclarons que leurs œuvres sont vouées à l'échec. Père, lève-toi et que nos ennemis, ces esprits d'envoûtement, ces esprits sataniques, ces esprits des eaux, que leur chute soit une réalité dans le nom puissant de Jésus. Qu'aucune confusion, qu'aucun complot de confusion, qu'aucun complot des puissances des ténèbres ne puisse prévaloir dans nos vies, ne puisse prévaloir dans le corps du Christ, ne puisse prévaloir dans cette nation. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que le jugement sur Babylone est une réalité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci Père parce que ta parole est oui et amen. Nous disons merci Éternel des armées parce que nos adversaires, nos ennemis sont liés et que leurs œuvres sont vouées à l'échec. Leurs complots sont démantelés. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons merci pour toutes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que la chute de nos Babylones a pour résultat l'unité du peuple de Dieu et la repentance. Donc chacun de nous va prier. Tu vas prier pour l'unité au sein de ta famille. Oui, lorsque une maison qui est divisée, cette maison ne peut subsister. Nous allons prier pour l'unité de l'Église en Côte d'Ivoire et même ailleurs dans d'autres pays africains et européens. Nous allons prier pour l'unité au sein de nos nations, de nos pays, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que la repentance soit réelle, que ceux qui vivaient dans le péché se repentent, de la même manière qu'Israël est retourné dans sa nation, repentant, cherchant l'Éternel. Prions le Seigneur. Gloire ce matin à cette fin d'année où tu nous as conservé la vie, tu as veillé sur nous, tu nous conduis jour après jour dans nos difficultés, nous avons senti ta présence. Et ce matin, tu nous dis la chute de Babylone, la chute de l'homme fort de notre famille, la chute de nos Goliath, de nos Amman doit amener nos familles à s'unir au nom de Jésus, nos églises, nos nations. Nous voulons prophétiser, nous voulons déclarer la chute de l'homme fort de notre vie, la chute de l'homme fort de notre famille, la chute de l'homme fort de nos pays, la chute de l'homme fort qui résiste, qui bloque notre bénédiction. Nous voulons nous lever parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur tous les traits enflammés de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus de Nazareth, au nom du lion, la tribu de Judas, au nom de l'étoile brillante du matin. Toi l'homme fort qui s'oppose à notre élévation, toi l'homme fort qui s'oppose à l'unité, à l'union, à la concorde de nos familles. Nous te chassons, nous te renversons, nous te brisons, nous marchons sur ton pouvoir et nous déclarons l'unité, la concorde, la communion, l'entente des enfants de Dieu, d'une même famille, d'une même nation, d'une même église, d'une même famille. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu suscite des bons bergers et que Dieu écarte le berger qui égare son peuple. que ça commence au sein de l'Église, que nous ayons des bergers selon le cœur de Dieu, pas des bergers qui égarent le peuple. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, ce matin, nous venons à toi pour te dire infiniment merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette année 2019. Tu nous as nourris, tu as payé nos factures, tu as permis que nos enfants aillent à l'école. La santé, tu nous l'as accordée. Tu nous as conduits, dirigés, protégés, tu as combattu pour nous. Tu as fait pour nous de grandes choses et au milieu de nous, des actions de grâce s'élèvent pour te célébrer, te magnifier, te glorifier, te louer, t'adorer, t'acclamer, te bénir parce que tu es Dieu, tu es l'unique Dieu Jésus. Alléluia. C'est ton sang qui a pourvu à notre santé, qui a pourvu à notre protection. C'est toi, par ton esprit, que nous vivons. Le souffle de vie, c'est toi qui nous l'accordes. C'est par pure grâce. Merci, parce qu'aussi, tu as été notre berger tout au long de cette année 2019. Et nous savons que tu seras encore l'année prochaine. Béni sois-tu, parce qu'au milieu de nous, tu écartes les mauvais serviteurs, les mauvais bergers, les mauvais dirigeants. Tu les écartes et tu conduis les véritables, ceux que tu as oint. Ce que tu as choisi, ceux en qui tu as mis ton esprit, des bons bergers, des bergers qui conduisent, qui dirigent ton peuple, des bergers pour guider ton peuple, pour faire avancer ton peuple, partout où nous sommes. Merci de te manifester encore dans la vie de quelqu'un en ce dernier jour. Merci pour ce jour de miracle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la puissance, par son bras puissant.